Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Connaissez-vous l'histoire de Zarafa la girafe? Elle fut offerte par le pacha Mehemet Ali au roi de France Charles X. Venant du Soudan, elle débarque à Marseille le 23 octobre 1826 avant de regagner à pied la capitale. Accompagnée du grand savant Geoffroy de Saint-Hilaire, jeune zoologue et ami de Balzac, ancien de la campagne d'Égypte, la girafe suscite un engouement durant tout son périple. Le 30 janvier 1827, Zarafa fait une arrivée triomphale à Paris. 600 000 admirateurs durant le seul été 1827 dans la rotonde de la ménagerie. Le girafforium sévit à Paris, vaisselle, vêtements, poèmes, peintures, Zarafa est à la mode. La ménagerie du Jardin des Plantes accueille des animaux jusqu'alors inconnus en France. Mais pourquoi diable des animaux au Jardin des Plantes ? À l'origine, existait le Jardin royal des plantes médicinales, créé en 1635 par le médecin Guy de la Brousse, héritier d'un jardin d'utopie. Quel joli nom, jardin d'utopie ! Les plantes étaient utilisées pour leurs vertus thérapeutiques, même si des disputes opposaient ces herboristes apothicaires aux médecins du roi, gardiens des traditions médicales classiques héritées d'Hippocrate. Jusqu'au jour où Louis XIV nomma son premier médecin surintendant des jardins, chargé des collections, et l'envoya sillonner le monde à la recherche de nouvelles plantes tropicales. Au XVIIIe siècle, Buffon est l'homme de la situation. Il publie une monumentale histoire naturelle en 36 volumes, succès mondial, malgré de nombreuses erreurs d'interprétation. Et c'est lui qui est à l'origine du Jardin des Plantes, tel que nous le connaissons. Au cœur de Paris, sur les bords de la Seine, Buffon double sa superficie, construit des amphithéâtres et des serres. Les naturalistes sont recrutés. On part au bout du monde pour découvrir, cultiver, étudier, rapporter espèces végétales, animales, minérales. Buffon est l'un des phares scientifiques de renommée internationale et son jardin l'un des plus célèbres du monde. Pendant 50 ans, jusqu'à sa mort en 1788, il règne sans partage. L'écureuil est un joli petit animal qui n'est qu'à demi sauvage et qui, par sa gentillesse, par sa docilité, par l'innocence même de ses mœurs, mériterait d'être épargné. Il n'est ni carnassier ni nuisible, quoiqu'il saisisse quelquefois des oiseaux. Sa nourriture ordinaire sont des fruits, des amandes, des noisettes, de la faine et du gland. Il est propre, leste, vif, très alerte, très éveillé, très industrieux. La Révolution aime bien les savants. Elle est soucieuse d'instruction publique. Le 10 juin 1793, un décret de la Convention crée le Muséum d'Histoire Naturelle. Et en 1798, Bonaparte emmène 170 savants en Égypte dans une expédition fameuse, dont ils ont ramené d'innombrables observations, rassemblées dans un célèbre ouvrage, La Description d'Égypte. Le Muséum d'Histoire Naturelle s'enrichit, introduisant de nouvelles disciplines, dont la paléontologie, plus tard la génétique, puis la radioactivité qui vaut à Becquerel le prix Nobel de physique à la fin du 19e siècle. Une galerie de minéralogie est construite en 1833, une autre de zoologie, d'anatomie comparée, et les bâtiments sont trop petits. Au début du 20e siècle, le Muséum d'Histoire Naturelle prend sa physionomie actuelle et s'étend en province. De nouveaux savants, dont Marcel Griaul en Afrique, prennent le relais. Et le zoo de Vincennes vient compléter la ménagerie du Jardin des Plantes. Comme beaucoup de grandes institutions, le Muséum d'Histoire Naturelle connaît son époque sombre pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Faute d'entretien, la Grande Galerie est fermée en 1966. Et dans les années 80, une forte mobilisation, la volonté de François Mitterrand de rénover le musée, permettent en 1994 la réouverture de la Grande Galerie de l'Évolution et une restauration complète de l'ensemble des bâtiments riches de 62 millions de spécimens accumulés au cours des siècles, sans compter les 200 000 livres de la bibliothèque. Aujourd'hui, près de 10 millions de visiteurs viennent chaque année s'instruire et se divertir dans ce qui fut autrefois le jardin d'utopie.